Du 10 au 12 août prochain aura lieu la 17e édition de la classique de volleyball de plage Family Prix Jeannie Larouche. Ici Mario Fortin, maire de Normandin. C'est avec un immense plaisir que j'invite les gens à venir en grand nombre assister à une performance de haut niveau des participants provenant de tout le Québec. Venez assister à des matchs enlevants de joueurs de tout âge qui vont vous en mettre plein la vue. Nous vous attendons en grand nombre au site touristique de la Chutelourde de Normandin afin de venir encourager ses athlètes. Je veux remercier le président de la Classique, Danny Bouchard, et toute son équipe de bénévoles qui n'ont ménagé aucun effort afin de vous offrir une Classique de qualité pour cette 17e édition. Bonne chance à tous les joueurs et on vous attend en grand nombre. Vous cherchez un endroit rêvé pour vos vacances? Le site touristique Chute à l'ours de Normandin est l'endroit idéal. Situé en pleine nature, le site touristique Chute à l'ours offre des chalets et des chambres de motel. Pour réservation et information, chutealours.com ou 418-274-3411. Le site touristique Chute à l'ours est fier d'être un partenaire de premier plan de la classique de volleyball Family Prix Jeannie Larouche et vous invite à participer en grand nombre aux activités. On va parler de course automobile. Il y a une nouvelle cette semaine qui est survenue, une nouvelle très importante. Ben, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient à l'effet que Force India serait rachetée par le père de Lance Stroll, Lawrence Stroll. Ben, c'est maintenant fait. Et il y a André Desmarais également qui fait partie du consortium. Qu'est-ce que ça veut dire pour Lance Stroll et pour même le course automobile québécois? On en parle avec Patrick Carpentier. Salut Patrick! Hey, salut, ça va bien. Patrick, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr que, est-ce que pour Lance Stroll, Jacques Villeneuve dit ce matin qu'il doit faire le changement tout de suite. Est-ce que tu es d'accord avec Jacques? Oui, je suis d'accord avec Jacques, mais tu sais, c'est des procédés qui sont assez complexes. Tu as des ententes contractuelles là-dedans, des choses à respecter. Aussi, là, fait que c'est pas des choses souvent que tu peux arriver puis tout changer, là, à moins que tu payes. Mais écoute, c'est une excellente nouvelle pour le sport automobile au Québec. Je te dirais même que c'est une des bonnes nouvelles depuis longtemps, les années Players, là, tu sais. Ça veut pas dire qu'il y a des Québécois qui vont aller en F1, mais au moins, si Lance c'est dans une voiture compétitive, ça va animer l'intérêt pour le sport, tu sais. Fait que, non, c'est fantastique. Moi, je pense que c'est une des très bonnes. Et Force India, avec le plus petit budget de la Formule 1, font quand même une bonne job, là. Hey, écoute, tu sais, je veux dire, puis il y a toute une histoire autour de la Force India, là. Il y a eu des magots, il y a eu toutes sortes d'affaires avec le propriétaire. Je pense, mais il y a même question de prison, je pense que j'ai pu voir. Donc c'est avec tout le budget et tout ce qui tourne autour, c'est incroyable ce que Force India a fait, hein? Oui, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Écoute, c'est d'excellentes voitures, pareil, ça performe bien. Ocon aussi, Perez. Je m'appelle en F3, Lance c'était souvent plus rapide qu'Ocon. Fait que tu sais. J'ai hâte de voir dans une bonne voiture. J'espère que l'équipe va être menée à bon terme, comme on dit. On se rappelle l'aventure de Jacques avec Barr, là, hein, ouais. Ça n'avait pas fonctionné tellement. Fait que, sauf que c'est déjà une équipe qui roule bien. Fait que en espérant que ça va continuer de ce côté-là. Puis que ça va pas se remonter dans une équipe performante. La clé, c'est de trouver c'est de garder le monde qui est là actuellement. Parce que j'imagine qu'ils font quand même tout un travail avec peu de budget, avec toute l'histoire autour de ça. Là, il va avoir une stabilité, il va avoir encore plus d'argent. Les commanditaires, j'imagine, vont arriver plus aussi. Ça, c'est très important en course automobile. Mais c'est de garder le personnel en place et de tout faire en sorte, là. Oui, exactement. Puis tu sais, il y avait des fournisseurs qui n'avaient pas été payés. Il y avait un paquet d'affaires, d'histoire derrière cette la corruption au travers de ça. Les salaires. Il y en a qui n'avaient pas eu le salaire et tout. Fait que c'est sûr que c'est des conditions qui sont très, très difficiles à travailler dedans, là, tu sais. Fait que de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle pour Force India, surtout les employés. Puis je pense pas qu'ils vont rentrer là-dedans puis se mettre à faire 10 millions de changements. Là. Moi, je pense qu'il faut qu'ils voient comment la machine roule, puis par la suite, voir c'est quoi. Mais écoute, c'est un homme d'affaires aguerri, fait que j'ai hâte de voir ça va mener et que ça va être, mais pour le sport automobile québécois, canadien, nord-américain, c'est deux équipes là, nord-américaines qu'on a avec Haas. Puis Haas a toujours dit que pour lui, la F1 coûte très cher, mais ça coûte rien pour ce que ça lui a rapporté. T'sais, lui, il fournit les machines CNC pour les fabricants automobiles, tout ça, puis ça lui a permis vraiment d'entrer en Europe, du côté européen, avec avec ses produits et ses affaires. Ah oui, c'est incroyable. De produits avant. On va utiliser ça comme véhicule publicitaire, puis si d'admettre des commandites nord-américains, c'est hors de moi. T'as parlé de Barr, Patrick. Greg, ce qu'on dit, c'est que Greg Pollock, il n'y avait pas le père de Lance Stroll et Greg Pollock, c'est pas du tout la même affaire. Hein. Tu sais, je veux dire, Greg Pollock, si tu te rappelles bien, est arrivé avec Barr, puis il voulait changer la Formule 1. Là. Il est arrivé avec ses gros sabots, si tu te rappelles bien. C'est j'en veux dire que c'est pas ça avec le père de Lance Stroll. Ouais, mais c'est pas la même chose du tout. Puis Lance Stroll, j'aime bien. Il a été hands-on pas mal chez Williams. Il a vu qu'est-ce qu'il faut pas faire pour détruire une équipe. Fait que de ce côté-là, c'est bon qu'il a été capable de voir ça. Mais tu sais, rouler une équipe à F1, c'est pas facile. Là, c'est pas de tout repos. T'sais, on dit dans le sport automobile, comment est-ce que tu veux faire une petite fortune en sport automobile? Ben, c'est pas dur. T'as juste à commencer avec une grosse. Ben oui. C'est sûr, c'est sûr. Ça a toujours été le cas. Fait qu'on va voir ce que ça va donner de ce côté-là. Mais écoute, en somme, c'est vraiment une bonne nouvelle. Oh, je suis vraiment content. Je suis content pour Lance, puis je suis content pour les Canadiens puis Nord-Américains. Pat, Williams, il arrive. Williams, c'était une tradition. Williams, c'était depuis Frank Williams, c'était. Écoute, là, c'est quand même une. En Formule 1, ça fait quand même. C'est synonyme de crédibilité, c'est synonyme de victoire, de championnat. Là, on se contente pas d'histoire. Stroll était là, et le pilote russe, parce qu'il amenait beaucoup d'argent. Là, le père à Stroll, en retirant ses billes, qu'est-ce qui va arriver avec la saison qu'ils connaissent en plus? Comme je te disais, c'est des ententes contractuelles et tout, fait que je suis pas certain que tu peux décider... du jour au lendemain de retirer tes billes et ainsi de suite, mais peut-être aussi que les ententes sont terminées. Fait que de ce côté-là, il va falloir que Williams se démerde à essayer de trouver des commandites avec une voiture médiocre là, qui ne performe pas du tout là, de ce côté-là. Mais gars, c'est plus le problème, hein. Eux vont passer à autre chose, puis ils ont vécu l'enfer pendant quelques années, puis là c'est terminé. Est-ce que Claire Williams, parce que pourrait être congédié, parce que quelque part, écoute, il y a quand même des actionnaires derrière de la famille Williams, là. Puis semble-t-il que Frank est plus vraiment dans le portrait, c'est sa fille qui mène ça. Mais de la manière que c'est né tout croche, est-ce qu'on pourrait assister à un putsch? Oui, il faut falloir qu'il y ait des changements majeurs qui soient faits vis-à-vis de l'équipe, de toute façon, pour donner confiance aux investisseurs, aux commanditaires. Il va falloir qu'il y ait des changements qui soient faits, sinon il n'y a jamais personne qui va investir de ce côté-là. OK. Pat, un gros merci. On se reparle bientôt quand l'actualité de la course automobile va l'exiger. Hey, t'es bien gentil. Merci. Voilà notre collaborateur Patrick Carpentier.